Chapitre 11. Une dernière goutte fait déborder la coupe, dit le proverbe. Ainsi, la scène qui s'était passée le jour de la Saint-Hubert sur le mail de Pontbriand fit déborder le fiel dans le cœur de Frédéric qui était gonflé. Dans le châtiment infligé à son cheval par le jeune marquis, Frédéric vit une insulte, disons mieux un prétexte, qui lui permettait de manifester directement sa haine à Raoul de Pontbriand dans l'espoir de tirer de lui-même une vengeance sauvage. De retour à la ferme avec sa mère, et après une nuit passée dans de sombres réflexions, le fils de Madame Bastien écrivit dès le matin ce billet. « Si vous n'êtes pas à l'âge, vous vous trouverez demain à la ruche du Grand Cire avec votre fusil chargé à balles. J'aurai le mien. Venez seul, je serai seul. Je vous hais. Vous saurez mon nom lorsque je vous aurai dit en face la cause de ma haine. La ruche du Grand Cire est un endroit désert de votre forêt de Pontbriand. Je vous y attendrai demain toute la matinée, tout le jour s'il le faut. Vous n'aurez pas ainsi de raison pour manquer à ce rendez-vous. » Cette provocation presque insensée ne s'expliquait que par l'effervescence de la haine et de l'âge de Frédéric, ainsi que par sa complète inexpérience des choses de la vie et l'isolement où il l'avait jusqu'alors vécu. Ce billet écrit, Frédéric y mit l'adresse de Raoul de Pontbriand, attendit l'heure où le facteur rural passait par la ferme, et celui-ci emporta la lettre destinée au marquis afin de la mettre à la poste à Pontbriand. Durant cette journée, l'adolescent, afin de dissimuler son dessein, feignit d'être plus calme que de coutume. Le soir venu, il dit à Madame Bastien que, se sentant fatigué, il désirait dormir pendant toute la matinée du lendemain et qu'il désirait que l'on n'entrât pas dans sa chambre avant qu'il fût levé. La jeune mère, espérant que le repos calmerait son fils, s'empressa de se conformer à son désir. Au point du jour, Frédéric ouvrit sans bruit la fenêtre de sa chambre, dans laquelle on ne pouvait arriver que par l'appartement de sa mère, prit son fusil et sortit d'autant plus facilement que la croisée était au rez-de-chaussée. Il n'avait à sa disposition que du gros plan de chasse. Il alla prier le vieux jardinier de lui fondre quelques balles, sous prétexte d'aller à l'affût au sanglier avec un métayer dont il rabageait le champ. La chose parut si incroyable au jardinier qu'au moyen de quelques débris de plomb, il fondit une demi-douzaine de balles qu'il remit à son jeune maître. Celui-ci se rendit alors en hâte à la roche du Grand Cire, située dans une des parties les plus désertes de la forêt. En approchant de l'endroit du rendez-vous qu'il avait donné au jeune marquis, le cœur de Frédéric palpitait d'une ardeur farouche, certain que, courroucé de l'outrage et de la provocation que renfermait le billet de son adversaire inconnu, Raoul de Pontbriand s'empresserait de venger cette insulte. « Il me tuera ou je le tuerai, » se disait Frédéric. « S'il me tue, tant mieux. À quoi bon traîner une existence à jamais empoisonnée par l'envie, si je le tue ?» Et à cette réflexion, il frissonna. Puis, ayant presque honte de cette faiblesse, il reprit. « Eh bien, si je le tue, tant mieux encore. Il ne jouira plus de ses biens qui font mon envie. Si je le tue, » ajoutait ce malheureux enfant, en cherchant à justifier à ses propres yeux cette sinistre résolution, « son luxe n'insultera plus à ma pauvreté. » Et à celle de tant d'autres encore plus à plaindre que moi. » Absorbé dans ses noires pensées, Frédéric arriva bientôt à la roche du Grand Cire. On appelait ainsi depuis des siècles, en commémoration de l'un des cires de Pontbriand, un amoncellement de blocs granitiques situés non loin d'une des routes les moins fréquentées de la forêt. Des châtaigniers et des sapins énormes s'élançaient au fond des crevasses des roches. C'était un lieu agreste et solitaire, plein d'une grandeur sauvage. Le soleil, déjà élevé, projetait çà et là sur ces masses de granit grisâtre et couvertes de mousse, ses rayons vermeils à travers les arbres dépouillés de feuilles. La journée s'annonçait splendide, ainsi que cela arrive souvent vers la fin de l'automne. Frédéric déposa son fusil dans une sorte de grotte naturelle, formée par une profonde excavation à demi voilée par un épais rideau de lierre enraciné dans la fente d'un bloc supérieur. De cet endroit, à une route dite du connétable, il y avait 40 pas environ. Le marquis, s'il venait, ne pouvait arriver que par ce chemin, bordé d'un taillis où Frédéric se posta. De cet endroit, il embrassait au loin le chemin du regard sans être aperçu. 1 heure, 2 heures, 3 heures se passèrent. Raoul de Pontbriand ne parut pas. Dans sa fiévreuse impatience, ne pouvant, ne voulant pas croire que le marquis eût dédaigné son appel, Frédéric trouvait moyen de s'expliquer le retard de son adversaire. Il ne devait avoir reçu sa lettre que dans la matinée. Il avait eu sans doute quelques précautions à prendre pour sortir seul. Peut-être préférait-il attendre la fin de la journée. Le temps s'écoulait parmi ses angoisses. Une seule fois, Frédéric songea à sa mère et à son désespoir, se disant que, dans une heure, peut-être, il n'existerait plus. Cette réflexion ébranla seule, pendant quelques instants, la sombre détermination de l'adolescent, mais il se dit bientôt « Mieux vaut mourir. Ma mort coûtera moins de larmes à ma mère que ma vie. J'en juge par celle qu'elle a déjà versée. » Pendant qu'il attendait ainsi l'arrivée du marquis, une voiture partie du château de Pontbriand vers les 3 heures de l'après-midi arrivait à un carrefour où aboutissait l'allée du Connétable, non loin de laquelle se trouvait, on l'a dit, la roche du Grand Cire. Cet équipage, espèce de petit wurst très large et très bas, attelé de 2 magnifiques chevaux, s'arrêta au poteau du carrefour. 2 grands valets de pied poudrés descendirent du siège de derrière où ils étaient assis, et l'un d'eux ouvrit la porte de la voiture, d'où la marquise douairière de Pontbriand descendit très prestement, malgré ses 88 ans. Une autre femme, qui semblait non moins âgée que la douairière, mit aussi pied à terre. L'autre valet de pied, prenant sous son bras un de ces pliants portatifs dont se servent souvent dans leur promenade les personnes valétudinaires ou âgées, se disposait à suivre les 2 octogénaires. Mais la marquise lui dit, de sa voix claire et un peu chevrotante, « Reste avec la voiture, mon garçon, que l'on m'attend d'ici. Donne le pliant à Zerbinette. » Le valet de pied s'inclina, remit le pliant à la compagne de la douairière, et toutes deux entrèrent de préférence dans l'allée du Connétable, qui, beaucoup moins fréquentée que les autres, était revêtue d'un tapis de mousse et de gazon. L'octogénaire, dont était accompagnée la marquise, et que celle-ci avait appelé Zerbinette, s'était donc chargé du pliant. À 87 ans, répondre à ce nom coquet et pimpant de Zerbinette, cela semble étrange. Et cependant, Zerbinette avait été, dans son printemps, plus que personne, digne de porter ce nom, qui sentait d'une lieue sa soubrette de crébillon fils, nez retroussé, mine effrontée, grands yeux fripons, sourire libertin, corsage provoquant, pieds mignons et mains potelées, tels avaient été autrefois les titres de la soubrette à être appelée Zerbinette, nom dont elle avait été baptisée lorsqu'elle entra, il y avait quelque 70 ans de cela, comme aide-coiffeuse chez sa sœur de lait, la charmante marquise de Pontbriand. Hélas, nous la voyons douairière et grand-mère, mais à cette époque, la marquise, mariée au couvent à 16 ans, était déjà plus que galante. Aussi, frappée de l'esprit hardi de son aide-coiffeuse, de ses rares dispositions pour l'intrigue, elle fit de Zerbinette sa première femme et bientôt sa confidente. Le diable sait les bons tours de ces 2 jeunes et madrées commères dans leur beau temps. Avec quel dévouement, avec quelle présence d'esprit, avec quelle merveilleuse ressource d'imagination, Zerbinette aidait sa maîtresse à tromper les 3 ou 4 amants qu'elle avait à la fois, sans compter ceux qu'on appelait alors les fantaisies, les occasions, les dettes de jeu et les curiosités. On allait en curiosité au porcheron, vêtu en grisette ou en marchande de bouquets. L'on ne parle du défunt mari de la marquise que pour mémoire. D'abord, l'on ne se donnait pas alors la peine de tromper un mari. Puis, très haut et très puissant seigneur rector magnifique Raoul Urbain Anne-Claude Frumence, et sire marquis de Pontbriand et autres lieux, était trop du monde et de son siècle pour gêner en rien madame sa femme. De cet échange de confidences de la part de la marquise et de services de toutes sortes de la part de Zerbinette, il était résulté une sorte de liaison presque familière entre la soubrette et sa maîtresse. Elles ne s'étaient jamais quittées, elles avaient vieilli ensemble, et à 80 ans et tant d'années qu'elles avaient, elles trouvaient un grand plaisir à se rappeler les bons jours, les mains tours, les folles amours d'autrefois, et il faut le dire, chaque jour avait son sein, si ce n'est davantage dans ce calendrier libertin. Quant à la licence de parole, disons mieux, quant au cynique langage dont la marquise et Zerbinette avaient l'habitude dans leur tête-à-tête en parlant du temps jadis ou du temps présent, ce langage n'était ni plus ni moins cru que celui de la régence ou du règne de Louis le Bien-Aimé, et il avait parfois, chez la douairière, cette affectation de patois parisien, si cela se peut dire, que la plupart des grands seigneurs du milieu du XVIIIe siècle transportèrent des porcherons à la cour, disant « Monsieur, cette demoiselle, que vous me voulez, etc. » Quant aux expressions et aux tournures par trop marotiques ou rabelaisiennes de la marquise, nous les traduirons avec bienséance. La douairière était une petite vieille, sèche et bien droite, mise avec une recherche extrême, et toujours parfumée d'eau arménienne. Elle portait ses cheveux crêpés et poudrés à la maréchale, et avait sur la joue une ligne de rouge qui doublait l'éclat de ses grands yeux noirs, très hardis et très brillants encore, malgré son âge. Elle s'appuyait sur une petite canne d'ivoire à pomme d'or, et puisait de temps à autre une prise de tabac d'Espagne dans une tabatière ornée de chiffres et de médaillons. Zerbinette, un peu plus grande que sa maîtresse, et aussi maigre qu'elle, portait ses cheveux blancs en papillote et était vêtue avec une simplicité élégante. « Zerbinette, » dit la douairière, après s'être retournée pour regarder celui des deux valets de pied qui avait abaissé le marchepied. « Qu'est-ce que c'est donc que ce beau grand garçon-là ? Je crains ben de l'avoir point encore vu dans mon antichambre. Ça se peut, madame, c'est un des derniers venus de Paris. Mais c'est qu'il est drûment et fièrement tourné, ce gars-là, » reprit la douairière. « Dis donc, Zerbinette, as-tu vu cette carrure ? C'est étonnant. Les beaux laquais, ça me rappelle toujours. » Et la marquise s'interrompit pour prendre une pincée de tabac d'Espagne. « Les beaux laquais, ça me rappelle toujours cette petite diablesse de baronne de Montbrison. » Madame la marquise fait confusion, c'était des gardes françaises. « T'as ma foi raison, ma fille. C'est si vrai que le duc de Biron, leur colonel... Te rappelles-tu, monsieur de Biron ?»« Je le crois bien, madame. C'est vous qui avez eu l'étrenne de sa petite maison du boulevard des Poissonniers. » Et pour ce premier rendez-vous, vous aviez voulu vous habiller en Diane Chasseresse, comme dans votre beau portrait au pastel. Et sous ce costume, vous étiez jolie, ah, mais jolie à plaisir. Quelle taille mince, quelles épaules blanches, quels yeux brillants. C'est ma foi vraie, ma fille, j'avais tout ça. Et j'ai fait bon usé de ce que le bon Dieu m'avait donné. Mais pour en revenir à M. de Biron, qui me trouvait si belle en Diane Chasseresse, je ne sais pas si c'est le souvenir d'Actéon qui lui a porté malheur. Ah, ce pauvre duc! Mais 15 jours après notre arrangement, les sonneux et les piqueux de mon petit-fils auraient pu s'y tromper et crier taillot sur ce cher Biron. Tant il y a que, pour en revenir à mon histoire, tu as raison, Zerbinette, au vis-à-vis de cette petite diablesse de baronne de Montbrison. C'était si bien des gardes françaises que M. de Biron, leur colonel, s'est allé plaindre au roi de ce qu'on mésusait de son régiment. « Je n'entends point ça du tout, » a répondu ce bon prince. « Je tiens mes gardes françaises, moi. » Montbrison a eu bien assez d'argent de sa femme pour lui acheter un régiment. Malheureusement, madame, monsieur de Montbrison n'était pas capable de cette galanterie-là. Mais pour ce qui est des grands laquais, madame voulait parler de la présidence de Lunel, de... Lunel, dit vivement la douairière, en interrompant sa suivante et en jetant les yeux autour d'elle comme pour rappeler ses souvenirs. Lunel, dis donc, nous sommes bien ici dans l'allée du Connétable, hein, Zerbinette ? Oui, madame. « Pas loin de la roche du Grand Cire. Non, madame. »« C'est ça même. Eh bien, te rappelles-tu l'histoire de l'Orfraie ?»« L'histoire de l'Orfraie, non, madame. De l'Orfraie et de ce pauvre président de Lunel. »« Tout ce que je me rappelle, c'est que monsieur le président était jaloux comme un possédé de monsieur le chevalier de Bretteville. »« Et il y avait de quoi. » »« Aussi, ça amusait toujours madame de les inviter tous les deux ensemble au château. »« Justement, ma fille. » « Voilà pourquoi je te parle de l'histoire de l'Orfraie. »« Par ma foi, madame, que je devienne chèvre, si je sais ce que vous voulez dire avec votre Orfraie. »« Ah, Zerbinette, Zerbinette, tu vieillis. »« Hélas, madame. »« Dis donc, ma fille, autant nous promener d'un côté que de l'autre, n'est-ce pas ? Allons du côté de la roche du Grand Cire. De revoir cette pauvre chère vieille roche, ça me rajeunira de... voyons, de combien, Zerbinette ?» ajouta la marquise, en aspirant sa prise de tabac d'Espagne. Car ce pauvre Lunel et le chevalier, c'était en... octobre 1779, dit Zerbinette avec la précision de mémoire d'un comptable. Ça me rajeunira donc, comme qui dirait de 60 et quelques années, ça en vaut la peine, allons à la roche du Grand Cire. Soit, madame, mais n'êtes-vous pas fatiguée ? J'ai mes jambes de 15 ans, ma fille, et en tout cas, tu portes mon pliant ?